et on peut passer au message. En fait, là, je veux juste avoir une conversation avec vous, et puis je pense que ce message, je vais juste, comme la plupart des messages, je ne vais pas le terminer, parce que je vais prendre le temps de vous transmettre, peut-être jusqu'au mois de juin, de vous transmettre ce que je veux ici partager. J'ai vécu depuis 10 jours, je suis comme enceinte de quelque chose. Et puis, quand je suis enceinte, c'est vraiment comme une femme, hein. Je suis pas de très bonne humeur. J'ai des douleurs. Et Katia, elle sait, hein, hier, il a fallu que je mette la louange, hein. Je dis, ah, je sais pas ce que j'ai. Je sens que je vais donner naissance à quelque chose. Et ça fait 10 jours avec ouais, tous les symptômes, vous savez, que d'une maman. Et c'était, pardon, les nausées. Et je suis pas très agréable aussi souvent. Mais je dis pas que toutes les mamans sont comme ça, hein. Moi, en tout cas, si j'étais enceinte, si j'avais été une maman, j'aurais pas été très agréable. Mais il y a vraiment quelque chose qui est venu de très fort, une rencontre avec Dieu comme jamais depuis le début. Et c'est fou, hein, c'est prophétique. Il y a les fondateurs, là, les pères fondateurs sont là avec nous, les Manzo. C'est quand même incroyable, hein, de se retrouver. On ne s'est pas donné rendez-vous. On aurait voulu, on n'aurait pas pu. Vous voyez, le prophétique, j'aime ça. Quand Dieu dit hop, hop, hop. Et là, c'est comme si. Ouais, je ne vais pas tout dire, parce que la déontologie veut que j'en parle d'abord à mon équipe. Mais j'ai vraiment, vraiment eu un moment de rencontre très fort avec Dieu, comme quand il m'a parlé pour l'implantation ici à Béziers. Et j'aimerais qu'on réfléchisse et qu'on découvre et qu'on se pose cette question, parce qu'on est tous chrétiens ici, on est tous devenus, et j'aimerais qu'on se pose la question, mais finalement, un chrétien, à quoi ça sert? Est-ce que, voilà, chrétien, c'est juste, on attend que notre mort ou le retour de Jésus, mais entre le moment où on est devenu chrétien et le moment où on va aller au ciel, à quoi ça sert? Est-ce qu'on a une quelconque utilité? Et bien sûr que oui. Et ce qui me parle en ce moment, c'est que c'est le mot activation. On peut être un chrétien activé ou un chrétien désactivé. Mais tu es chrétien, hein? Mais tes fonctions, et c'est là où c'est très intéressant de se poser cette question, à quoi ça sert? Beaucoup de chrétiens ont une relation avec Dieu, mais sont complètement désactivés. Ils sont chrétiens, mais désactivés. Nous avons un aspirateur à la maison, et je ne sais pas trop ce que c'est au niveau du fil. Il suffit juste qu'on bouge un peu le fil comme ça, vous voyez, on prend le fil, vous voyez, je vais prendre ce fil ici, juste le bouger un peu comme ça, et il démarre. Et puis, c'est le fil, on bouge un peu le fil, et il s'arrête. Alors on le branche, alors on aspire, et puis quand on arrive toujours au même endroit, vers la télévision, boum, il s'éteint. Et moi je suis là, vite, je profite des dernières aspirations parce que je suis allé pour 2 heures. Vous voyez, on est là avec le fil. Vous voyez, il est branché, mais par moment il passe, c'est un aspirateur activé, et par moment c'est un aspirateur désactivé. Et c'est très frustrant, et on ne peut pas le changer parce qu'il marche bien. Notre problème, c'est juste l'activation qui est un problème de connexion, en fait, tout simplement. Et vous savez, imaginez un aspirateur, vous achetez le Dyson dernière catégorie, et puis vous faites juste ça, vous ne le branchez pas, il est désactivé. Vous avez beau avoir un super Dyson, il ne va rien aspirer du tout. Pourquoi? Parce qu'il a le potentiel, ils sont très chers ces aspirateurs. Il a le potentiel d'aspirer, mais il ne va rien faire. Pourquoi? Parce qu'il est désactivé. Vous pouvez avoir la plus belle des voitures. En Suisse, là, ils n'ont que ça. J'ai cherché des Clio, des Kangoo, il n'y en a pas, hein. J'étais la seule Kangoo. Et fière. Enfin, non, pas fière, non. À vrai dire. Mais vous savez, vous pouvez avoir une très très belle voiture, une Ferrari, une Lamborghini. S'il n'y a pas de batterie, c'est une voiture de collection. C'est une voiture qui vous sert à rien. Ça vous fait une belle jambe d'avoir une Ferrari, une Lamborghini. Parce qu'elle n'avance pas, vous ne pouvez même pas la démarrer pour écouter le son, vous ne pouvez rien faire. C'est frustrant, on dit, ah mais. Et puis vous dites aux gens, ouais, moi j'ai une Lamborghini, ouais, c'est ça. Et elle est dans votre garage, vous voyez, c'est frustrant. Et la majorité des croyants, c'est ça. C'est des gens qui ont un énorme potentiel en eux. Il y a un V12 ici. Il y a un potentiel énorme, mais parce que ces croyants n'ont pas été activés, ces croyants n'ont pas découvert à quoi ils servaient, ils ne réalisent pas, ils ne vivent pas leur plein potentiel. Et On peut donc être un croyant, un chrétien activé ou un chrétien désactivé. Et pour être activé, il y a pas mal de choses justement que j'aimerais aborder avec vous qui vont faire que vous allez pouvoir libérer pleinement, découvrir et activer le potentiel divin qui est en chacun d'entre vous. La première chose que je veux voir avec vous concerne l'adoration. On va pas tout voir aujourd'hui, mais j'ai un ami, vous savez, qui est parti au Canada. En ce moment, au Canada, il fait moins 25. Il fait froid, donc, hein. Et pour cela, lors de son voyage, il avait donc loué une voiture pour pouvoir se déplacer, parce que là-bas, si vous n'avez pas de voiture, c'est très compliqué de se déplacer. Il avait loué une voiture, et par contre, moins 25, hein, donc chaque fois qu'il sortait de la maison, vous voyez, il y a une chute de température. Dans les maisons, vous êtes en chemise, en t-shirt, c'est très bien chauffé, hein, et vous passez, je ne sais pas, de 25 degrés à moins 25, donc il y a une différence de 50 degrés, c'est énorme, c'est un choc thermique, hein. Et il dit, mais le matin, c'était atroce d'aller dans de sortir, et puis la voiture est couverte de neige, couverte de glace, et puis vous savez, quand vous rentrez, quand il fait froid, vous rentrez dans la voiture, il fait encore plus froid. C'est bizarre ça, hein, mais la voiture, il fait presque plus chaud à l'extérieur. Et il disait, mais alors le pire moment de la journée, c'était ces 20 premières minutes dans la voiture, le volant est glacé, les sièges sont glacés, la boîte de vitesse est glacée. Il faut gratter le pare-brise, et c'était vraiment extrêmement inconfortable pour lui et traumatisant. Chaque matin, il dit « Oh non, moins 25, vous rendez compte ?» Et au bout d'une semaine, son voyage se termine et il rend les clés de sa voiture. Et vous savez, souvent, quand on loue une voiture, les gens vous disent « Alors, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. » Et il dit « Oh non, c'était super, très bonne voiture, ça s'est très bien passé, c'est juste qu'il fait tellement froid. » Puis il dit ce que je suis en train de vous dire, « Ah là là, la galère à chaque fois de rentrer dans cette voiture, c'était frigorifiant, c'était vraiment désagréable, je ne sais pas comment vous faites, hein, dans ce pays. » Puis le gars dit « Mais monsieur, vous aviez l'option siège chauffant. » Il dit « Quoi ?» Et il dit « Oui, vous aviez l'option siège chauffant. » Et il ne savait pas. Une fois, moi, avec Katia, on a eu les sièges chauffants. Elle n'arrêtait pas. Je dis, mais chérie, mais il fait pas froid. Mais elle mettait quand même le siège chauffant. Ça peut vous brûler même. Hein. Vous voyez, c'est au niveau du dos, les jambes. C'est vraiment, vraiment confortable. Et ce monsieur, vous voyez, il avait une option dont il n'avait pas connaissance. Et cette option est restée complètement désactivée. Parce que, tout simplement, il ne le savait pas. Et ça aurait pu tellement être, pour lui, une expérience confortable, positive. Vous savez ce qu'on a reçu dans la louange, hein? Jésus qui dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Il y a toutes sortes d'options que tu n'as même pas encore. Toi, tu dis « Hop, ma vie tourne. » Vous voyez, boum, boum, boum, boum, ça va. Ma vie tourne et j'avance dans la vie. Je tourne à droite, je tourne à gauche, je prends des directions. Mais, et ça nous va. Mais il y a tellement, tellement d'options. Et malheureusement, il y a des gens comme ce monsieur, il rend la voiture, c'est trop tard. Vous voyez, c'est trop tard. Il a juste passé à côté de toutes sortes de bénédictions. Il a enduré toutes sortes d'épreuves et c'est trop tard parce qu'il a rendu sa vie. Et le jour où tu vas rendre les clés de ta vie, le jour où tu vas finir ta vie, parce qu'on va tous, on a tous un point en commun, c'est pas la même date, mais on va tous finir notre vie. Mais moi, je veux juste vérifier que tu puisses découvrir et utiliser les différentes options qui sont en toi en tant que croyant et en tant que croyante. Pour pas que tu dises, ah ben mince, on va aller vers Dieu, ah ben, Dieu, je t'aime, je suis heureux d'avoir la vie éternelle, mais quand même, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi j'ai galéré là-dedans? Pourquoi ça a été dur sur la terre? Puis Dieu va dire, mais il y avait telle option, enfin, pourquoi, vous voyez, Dieu va nous dire, mais pourquoi tu n'as pas activé ça? Et on peut être chrétien activé, on peut être un chrétien désactivé. Vous comprenez la nuance? Et moi, je veux que vous soyez des chrétiens activés, que vous puissiez découvrir tout le potentiel et toutes les clés que Dieu a pour vous. Alors, un chrétien, à quoi ça sert? Il y a des tas de choses, et on va les développer tout au long de ce mois, il y a des tas de choses que seuls nous, nous sommes en mesure de faire. Vous pouvez peut-être, par exemple, en citer quelques-unes avec moi. Par exemple, prier. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et la prière a une grande efficacité, nous dit la Bible. Témoigner, parler de Jésus aux incroyants, mais il n'y a que nous qui pouvons faire ça. On ne peut pas demander à une association, au Resto du Cœur ou à un homme politique de le faire. C'est à nous de le faire. Chasser les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Il y a tellement de gens qui sont oppressés spirituellement qui vivent et qui subissent des oppressions spirituelles. Et on est les seuls à pouvoir faire ça. Un marabout, un médecin, un psychiatre, un psychanalyste ne peuvent pas faire ça. Mais un croyant, oui. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, le monde a besoin de et on va le voir dans quelques instants, le monde aspire à ça. Le monde a besoin de chrétiens activés. Il n'a pas besoin de membres, de gens qui vont à l'église le dimanche matin. Il a besoin de chrétiens qui, tout au long de la semaine, sont réellement, authentiquement activés. Jésus a dit qu'on était le sel et la lumière du monde. Waouh ! Ça, c'est une responsabilité aussi qui est la nôtre. La Bible aussi nous dit que nous sommes ambassadeurs et qu'on a reçu le ministère de la réconciliation. Vous voyez, il y a des tas de choses qui sont vraiment propres uniquement aux croyants, aux chrétiens. Un chrétien, ça sert à ces choses-là. Personne d'autre peut nous remplacer, personne d'autre peut faire ce que nous sommes ici appelés à faire. J'aimerais juste lire le verset avant, acte 1, versets 8 à 11. On fait juste l'introduction ce matin. Vous savez, c'est les disciples, ils s'apprêtent à être activés. Là, vous avez une description biblique de chrétiens, de disciples qui ne sont pas activés. Ils connaissent Jésus, ils aiment Jésus, mais ils ne sont pas activés. Lisez avec moi. Jésus leur dit, mais vous recevrez une puissance. Ils ne l'ont pas encore reçue, donc ils n'ont pas été activés. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, donc Jésus, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Et c'est la question que je pose à l'église, je pose même à tous mes collègues, quand je vais dans les pastorales. Hey, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce n'est pas une fin en soi. Je vais parler dans quelques instants de la louange et de l'adoration. Donc on va de nouveau, je vais de nouveau vous inviter à regarder au ciel. Mais il ne faut pas s'arrêter. C'est pas, la Bible ne dit pas la louange, l'adoration, s'attendre à Dieu, il ne faut pas. Non, pourquoi vous arrêtez-vous à ça? Vous voyez? Ce n'est pas une fin en soi. C'est juste un début, on va en parler dans quelques instants. Mais pourquoi vous arrêtez-vous au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et ça, c'est pour moi une très très belle description de la plupart des croyants. C'est-à-dire qu'on est très focalisé sur le ciel. Jésus est en train de leur parler, il monte au ciel, il disparaît. Et eux, ils sont là. Ils viennent leur dire, vous allez être des témoins, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Et eux, ils sont là. Et beaucoup de croyants aujourd'hui sont comme ça. On s'arrête au ciel. On attend du ciel des réponses, des miracles, qui ne dépendent en fait non pas du ciel, mais de nos choix, de nos décisions et de nos actions futures. Et c'est là où on est activé, non pas par le ciel, on est activé par les choix, les décisions et les actions que nous allons faire. Comme par exemple, tout à l'heure, je crois que Régine disait le pardonner. C'est un choix, c'est une décision, c'est une action. Ce n'est pas quelque chose qui vient du ciel, mais c'est nous qui disons, hey, sur la base de ce que j'ai appris avec Dieu, eh bien, je vais commencer à activer ma vie en pardonnant. Je n'en ai pas envie, la personne ne mérite pas, mais si je le fais, ce n'est pas pour elle, c'est pour moi. C'est pour me libérer de l'emprise que cette personne, que ses propos ont pu avoir sur moi. Le pardon, c'est ça, hein. En pardonnant, on se libère de l'emprise des paroles limitatives, blessantes que les personnes ont pu avoir sur nous. C'est pour ça qu'on pardonne. Moi, je ne pardonne pas parce que Dieu m'a demandé de pardonner. C'est un père, et s'il m'a demandé de le faire, c'est parce qu'il veut mon bien. Donc ça veut dire que ce n'est pas par contrainte ou par peur que je pardonne, mais je pardonne parce que je sais que je suis en train d'entretenir ma santé et de m'activer. Donc, la leçon que je veux vous transmettre ce matin, la première leçon, ne pas attendre du ciel des changements qui dépendent de nos choix, de nos actions et de nos décisions. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder au ciel, mais il ne faut pas s'arrêter. Des fois, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans que tu attends des choses légitimes, mais tu t'es arrêté au ciel. Et les anges, il faut deux anges pour dire « Hey, les gars, arrêtez !» Jésus, il va revenir comme il est parti. Hey, arrêtez de regarder au ciel. Ce n'est pas le fait de regarder au ciel qui est mal, c'est de ne faire que ça. Il y a certaines choses que tu attends, eux, ils attendaient des choses. Par exemple, c'était la puissance. Vous recevrez une puissance. Ouais, c'est écrit ici. Eux, ils attendaient la puissance. Mais ils attendaient au ciel. Ah, Dieu, la puissance. Et les anges disent, hey! Et là, ils comprennent qu'il faut quoi? Comment? Prier. Vous connaissez l'histoire, ils vont prier 10 jours. Tous ensemble. Donc, il y a un choix, il y a une décision, il y a une action qui a conduit à ce qu'ils aient reçu la puissance. La plupart des gens que Katia et moi on rencontre nous disent « Oh là là, vous êtes bénis, etc. » Oui, on est bénis. Pourquoi? Parce que ces dernières années, même moi, Katia le sait, je lisais jusqu'à 6 chapitres. Et j'étais fier, hein, je lis 6 chapitres de la Bible par jour. Ça ne m'a pas activé. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais ça a rempli ça a rempli ma tête de connaissances de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la connaissance qui vous transforme. Aujourd'hui, je lis moins de chapitres, mais ce qui a changé dans ma vie, c'est ce qui m'a activé. Je suis un chrétien activé. Pourquoi? Parce que je l'applique. Ce n'est pas tant ce que je connais. Je connais les chrétiens, ils connaissent la Bible mieux que moi. Je vois des débats des fois sur Facebook, je dis « Oh là là !» Il y a la maison qui brûle, et puis vous savez, il y a les parents qui font « Mais oui, mais non, mais ils se disputent !» Vous voyez, mais ce n'est pas le temps, vous aurez tout le temps de vous disputer, mais là, il y a la maison qui brûle. Et je vois l'église qui, on se dispute sur « Oui, la Bible dit que, non, mais c'est tel... » Mets-la en pratique. Je ne fais pas que la connaître et que la citer, mais le peu que je connais, je le mets en pratique. Et avec Katia, c'est ce qu'on fait. Le peu qu'on connaît, on le met en pratique. Je veux vous parler de Bill Wilson. Bill Wilson, c'est un enfant qui a été abandonné à New York. Il avait 6-7 ans. Sa mère lui fait « Mon petit chéri, tu ne bouges pas. Hein. » Bon, son père était père inconnu. « Mon petit chéri, tu ne bouges pas. Je reviens. Hein. Tu restes là à l'entrée du magasin. Je reviens tout de suite. » Elle n'est jamais revenue. Il a attendu toute la journée à 6-7 ans hein, et plusieurs jours. Sans manger, sans boire. Et puis après, les gens ont dit « Bon, ben, il a été recueilli. Il a été orphelin. » Et c'est des chrétiens qui l'ont recueilli, il est devenu chrétien, il s'appelle Bill Wilson, et il est aujourd'hui le pasteur de la plus grande école du dimanche. La plus grande école du dimanche. Là, il y a 4-5 enfants, regardez le bruit qu'ils font. Là, lui, il en a 23 000. Tu veux 23 000, tu signes pour 23 000, Luna? t'as pas... 23 000, la plus grande école du dimanche. Et c'est que des orphelins, des enfants de la rue qu'il a recueillis et dont il prend soin. Et il a démarré un ministère à New York, la plus grande école du dimanche. 23 000 enfants qui ont tous été comme lui abandonnés. Vous imaginez les traumatismes, il aurait pu en vouloir à ses parents, en vouloir à la société, en vouloir à Dieu. Mais c'est un chrétien activé. On lui dit, mais waouh, mais comment vous avez fait? Pourquoi vous avez fait ça? Et il dit, mais exactement ce texte ici. Il dit, mais j'ai juste vu un besoin. J'ai répondu à un besoin. Dieu vous a parlé? Ah non, non. J'ai vu un besoin et j'ai répondu. Juste ça. Vous voyez, il y a donc choix, décision, action. Cet homme, Bill Wilson, ne s'est pas arrêté à regarder au ciel. Oh, les pauvres enfants. Oh, mais Seigneur, tu les bénis. Hein. Oh, Seigneur, bénis le monde. Oh, bénis la société. Oh, Seigneur, bénis les pauvres de Béziers. Oh, bénis les étrangers de Béziers. Non, non, mais concrètement, choix, action, décision. C'est ça qui active. Quel que soit ce à quoi tu aspires, je prie, bien sûr, mais choix, décision, action. suis en train de raccourcir mon message là. Tu peux juste mettre Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et là, c'est nous. On dit, mais la création, comment te dire, tu devrais changer, quoi. On n'est pas prêt, on est dysfonctionnel, émotionnellement, on n'est pas bien, on n'a pas le moral en ce moment. Vas-y, non. La révélation des hommes politiques, si tu veux. Ou des associations. Mais non, la création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Le mot révélation, c'est le mot apocalypsis, qui veut dire apparition, manifestation. Et la création, vous voyez, on ne se sent pas qualifié. Moi, je ne me sens pas qualifié. On a toutes sortes de choses en nous qui nous disqualifient, notre caractère, nos émotions, notre morale. Des fois, notre morale est haut, des fois, notre morale est bas. Il y a toutes sortes de choses. Je sais que vous et moi, on n'est pas qualifiés. Mais, n'empêche que la création, elle soupire, elle aspire vraiment à notre révélation. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que nous faisons. Je l'ai dit tout à l'heure, la prière, le témoignage, chasser les démons, être sel et lumière, être des ambassadeurs, le ministère de la réconciliation. Il y a des choses que seuls nous, aussi dysfonctionnels que nous avons l'air d'être ce matin, seuls nous pouvons l'amener. Et je parle de chrétiens activés ou de chrétiens désactivés. Un chrétien activé peut être parfois en colère, triste, découragé. Moi, ça m'arrive. Ce que je viens de vous dire, les trois émotions, colère, triste, découragé, ça m'arrive toutes les semaines. Toutes les semaines, je suis triste, en colère, découragé. Parce qu'il y a toutes sortes, il y a tellement de choses qui nous arrivent, tellement de nouvelles, tellement de déceptions, de gens qui sont... Vous savez, on était à Matignon, quelques-uns se sont réjouis, mais beaucoup étaient en colère. Beaucoup disaient, pourquoi lui, les jalousies, des tas de choses, des réactions. C'est fou, hein. Souvent, Katia, elle a eu une parole qui est pleine de sagesse. C'était cet été ou début d'été, ouais, elle disait, mais au début d'année, elle disait, mais en fait, on dit, ah, c'est dans le malheur qu'on reconnaît nos amis. Et en fait, elle dit, Katia, non, c'est dans le bonheur. Je dis, oh, t'as raison, chérie. Parce que dans le malheur, oh, quand t'es malheureux et que tu vas pas bien, que t'es en dessous, les gens, ah, oh, ouais, t'es bien en dessous, là. Voilà. Mais après, quand tu commences à prospérer et puis à être mieux qu'eux, et que beaucoup, Dieu te bénit mille fois. Et là, tu commences à voir, les gens font, ah ouais. Ça leur envoie une mauvaise image. Et moi, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté même. Et c'était très fort ce qu'elle a dit. Parce que dans le monde, on dit, oui, on reconnaît les amis dans le malheur. Elle dit, dans le bon. Nous, on n'avait pas connu le bonheur jusqu'à présent, donc on ne peut pas. Mais maintenant, on a connu les deux. Hein. On a connu le malheur, mais alors le malheur, malheur. Quoi, hein. Et on a connu et aujourd'hui, on connaît le bonheur. Et on dit, hey, il n'y a pas beaucoup, hein. Pas beaucoup qui se réjouissent. Mais la création, elle soupire après la révélation des fils de Dieu. Je veux m'arrêter là. Je ne parlerai pas de l'adoration parce que c'est tellement important. Je préfère en parler la prochaine fois. Vous savez, on va voir plusieurs choses même dans cette saison jusqu'au mois de juin. Plusieurs choses qui vont vous permettre d'être activés. Mais c'est vrai que l'adoration en est une. La communion avec Dieu, c'est quelque chose qui va vous activer. Puisque comme le dit Katia, quand elle a parlé de la formation sur le prophétique, Dieu nous parle. Et quand il nous parle, ça, c'est ce qui s'est passé pour moi pour transformation. Waouh, ça m'a pris 10 jours, mais je sentais que Dieu voulait me parler, qu'il voulait qu'on se prépare à activer le ciel, activer le surnaturel, activer l'évangile, activer la prière, activer le salut. Et j'aurai toute occasion de vous en parler prochainement. Mais je propose qu'on prenne un temps de prière avec de la louange et que juste on réfléchisse à toutes les fois où nous nous sommes comme... Avec ces. Comme les, on exactement. J'aimerais que vous. D'ailleurs, si tu peux remettre le texte, acte 1. Mais c'est vraiment là où on en est en tant que disciple. Voyez ? Nous sommes une église et vous êtes des individus qui ont reçu des promesses, mais des promesses qui n'ont pas été encore réalisées. Comme ses disciples, vous recevrez une puissance. C'est pas vous avez reçu. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez de l'argent. Vous recevrez une vie sentimentale, relationnelle, spirituelle, épanouie. Vous allez recevoir. Et Jésus leur dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu parle ce matin à plusieurs d'entre vous. Il vous rappelle les rêves qui sont en vous. Tu vas exceller sur le plan relationnel, tu vas t'épanouir sur le plan professionnel, tu vas t'épanouir dans ta vie spirituelle. Mais c'est des promesses qui ont besoin d'être activées. Et puis, en parlant, ce texte nous dit que Jésus commence à monter vers le ciel. Et il le regarde. Et puis, il disparaît. Et c'est là où on en est. Et c'est là où je veux vous challenger ce matin. Il continue à regarder au ciel. Alors que pour être activé, cela dépend des choix, des décisions et des actions que tu t'apprêtes à faire. Et tu sais, tu peux prendre de mauvaises décisions, de mauvais choix et de mauvaises actions. Ou bien tu peux faire en sorte que ce soit bon. Mais je nous propose à prier maintenant, dans le secret de notre cœur, et de penser à d'apporter au Seigneur un fardeau, un défi. N'en apportez pas 10, parce que vous allez vous disperser, vous épuiser, mais dire un. Dans ce domaine, Seigneur, peut-être deux si vous voulez, mais dans ces domaines, je ne veux pas m'arrêter, parce que c'est ce qui a été reproché. Les anges sont apparus et ont dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Et dire, mais Seigneur, ça fait peut-être longtemps que je prie pour ça. Je prie pour voir un changement dans cette situation. Je prie, je prie, je prie. Et je comprends ce matin que pour être un chrétien activé, je ne dois pas juste prier, m'attendre au ciel, mais il y a des choix, des décisions, des actions que je dois prendre. Qui, comme cet homme, il a vu un besoin et il a agi. Et son action a conduit au développement de cette plus grande école du dimanche du monde. Et tes futures actions vont être bénies. Les futurs choix, décisions et actions que tu t'apprêtes à faire pour ta vie. Si, quand on est dans la colère, vous savez, je vous disais, moi ça m'arrive de l'être. Quand on est dans la colère, on peut prendre une bonne décision, on peut prendre une mauvaise décision. Et notre décision, notre choix aura des conséquences, bonnes ou mauvaises. Et ça, c'est pas le ciel, hein? C'est toi, c'est moi. C'est notre choix. Les conséquences, ce qu'on va vivre, les conséquences dépendent de nos choix, de nos décisions et de nos actions. Alors Seigneur, en tant qu'Église, on vient ce matin te demander pardon pour les choix, décisions et actions passées qui ont été des mauvais choix, des mauvaises actions et de mauvaises décisions. On te demande pardon pour cela, Seigneur. Et on demande à ce que maintenant, au nom de Jésus à l'instant même, les conséquences à cause de notre repentance, les conséquences de ces mauvais choix, de ces mauvaises décisions, de ces mauvaises actions, tombent maintenant au nom de Jésus. Comme en cendre, en fumée, maintenant. C'est anéanti, plus de conséquences. On annule ces conséquences sur la base de notre repentance. Parce que tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Et Seigneur, on reçoit cette purification, cette capacité maintenant face à des défis qui peuvent parfois produire de la peur, de l'insécurité, du découragement, parce que ça fait plusieurs fois qu'on a loupé, de la culpabilité. Tous ces défis qui émotionnellement nous bousculent. Seigneur, je demande maintenant que par le Saint-Esprit, nous soyons inspirés directement par le cœur du Père à prendre de bons choix, de bonnes décisions et à faire de bonnes actions maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez maintenant ces idées nouvelles. Recevez maintenant l'inspiration divine. Dieu vous inspire des décisions. Dieu vous inspire des choix. Dieu vous inspire des actions. Ça vient comme des idées. Et notez ces idées. Ah, je vais faire ça. Ah, et souvent, c'est des idées simples. Peut-être cette idée ne va pas tout changer. Mais cette idée va vous permettre de rentrer dans un processus positif. Vous passez de chrétien désactivé à chrétien activé maintenant. Parce qu'on ne s'arrête pas à regarder au ciel. Mais on commence maintenant, on remet au Seigneur nos choix, nos décisions et nos actions futures dans ce domaine. Le domaine précis qu'on lui amène, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, spirituel, émotionnel. On te remercie, Saint-Esprit. Et on prie, Seigneur, pour particulièrement également pour la ville de Béziers, pour notre culte Café Croissant dimanche prochain. Et nous prions, Seigneur, pour que tu, là aussi, on ne veut pas juste regarder le ciel et juste dire, ben, Seigneur, envoie des gens, que des gens viennent. Mais on sait, Seigneur, qu'il n'y aura dimanche que les personnes que nous avons invitées. Et Saint-Esprit, je t'invite vraiment à nous inspirer en tant qu'individu et en tant qu'Église, nous inspirer dans nos choix, dans nos actions. Pour ne pas juste nous attendre au ciel, mais être concret, activé dans nos vies et dans notre Église, l'Évangile, le salut. On te remercie, Seigneur, pour ce culte Café Croissant, pour les personnes présentes, pour l'expérimentation de ta présence, l'expérimentation du salut, de la nouvelle naissance. Merci également, Seigneur, pour le temps de prière mardi, ici. Nous prions pour que ce soit un temps où, justement, la prière soit activée. Tu as dit, lorsque vous priez, priez que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Seigneur, on veut vraiment mardi pouvoir prier, Seigneur, pour à la fois les besoins les uns des autres, mais aussi prier, Seigneur, pour la ville de Béziers, pour voir plus de ciel sur la terre, au nom de Jésus.